Nous sommes les bestes, il faut pas se méprendre. C'est pas tout le monde qui a le pouvoir de vendre. Je suis sur le cul, cette bande de battre, graverait de faire une alliance pour pouvoir me pendre. Hiver était, on y était en effet. Ré combien ment sur la version des faits. Si je dois mourir, j'attendrai pas que mon fils me venge. J'ai déjà des amis qui leur ont fait. J'ai du charisme, je roule dans Paris. Je veux calibrer ou tous venez à risque. Trafiquanté, on jette des valises. Des dépenses énormes, on est loin de l'avarice. Départ, c'est comme la roue, saut. Ça petit pas d'arrêt, il faut toute la meso. Tout va bene, la mia familia. Vive dentro la casa de luso. Des morceaux. Mon cœur est dur comme mes dorsaux. Nos enfants seront pas trop d'hôtels. T'en pas leur ami qu'avec les morceaux. Frère, j'ai plus le temps, tu sais comment c'est. Y'a encore des rappeurs qui vendent des doses. La crime rallye, ça va commencer. Pendant la paix, vous mettrez à vos doses. Yeah. Voleva fare soldi con i dischi. Avevo gli occhi di chi ha visto la mare. Stare lontano dai rischi. Che non ti porta molto lontano. I miei mostri più grandi li ho visti. Nei blitz, nei fischi. Volevo diventare grande anche se a vent'anni si è tristi. Tristi, tristemente tristi. I fratelli venuti col batto. No Titanic, mamma prepara un piatto. Se Karim viene in Italia, fa che le rapper avec le succede. Shara da tu la Hussein. Salut San Vittore, salut a Fen. Je suis avec la crème de la crème. Mamma ti amo, papa je t'aime. Yeah. La vita è Gomorra, la vita è la hen. Ouais. Boom, hey. Cartouche ma andouche. Couscous li flus, pizza kebab, fuck la halouf, yeah. Qui ci sono nato io, frate, qui ci sono nato. Tu hai il viso pulito e vuoi avercelo tagliato. Ti vedo affascinato perché sei abituato ai fedeli a Roche. Ma questa strada almeno per me, ciò che mi ha tolto più di ciò che ha dato. Volevo fare soldi con i dischi, avevo gli occhi di chi ha visto la mare. Stare lontano dai rischi, che non ti porta molto lontano. I miei mostri più grandi li ho visti, nei blitz, nei frischi. Volevo diventare grande anche se a vent'anni si è tristi. Tristi, tristemente tristi. Tristi, yeah. Tristi, tristi, tristemente tristi. Tristi. Mamma mi ha detto che il tempo è denaro. Enrico cammina fra il povero corre. Tunisia, Algeri, Parigi, Milano. Papa, io non seguirò le tue orme. Des traces de couteau dans